Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous. Avec aujourd'hui, Christiane. Bonjour. Et puis notre invité. Oui, Jean-Pierre de l'Association pour la protection de l'environnement. Voilà. Alors, c'est un magazine donc avec la Ligue des droits de l'homme, oui, dont on remercie d'être notre partenaire, bien entendu, et qui nous a consacré, bien sûr, aux problèmes environnementaux. Parce que la Ligue des droits de l'homme, bien sûr, s'intéresse de plus en plus aux problèmes environnement. Et puis, il y a des problèmes environnementaux qui sont tout près de nous, par exemple à Saint-Étienne-d'Herbiermont, et dont on parle peu, finalement. Donc, c'est l'occasion ou jamais de remettre d'actualité ces problèmes environnementaux qui nous concernent directement. Voilà, j'ai résumé l'affaire, Christiane. Oui. Je pense de toute façon que Jean-Pierre en parlera, puisqu'il fait partie de l'association depuis des années. Alors, ça va être surtout centré sur les hydrocarbures pour les cycles aromatiques, c'est ça? Oui, mais enfin, il y a, j'ai d'autres choses à dire. Voilà, d'accord. Avant d'attaquer sur le problème, pollution. Bon, moi, je ne suis pas un scientifique, je ne vais pas pouvoir. D'accord. C'est vrai que les HAP, c'est un problème. Bon, moi, j'en jetterai deux mots, évidemment. Voilà. Alors qu'est-ce qui peut nous présenter un peu la situation? Je pense qu'on a fait des émissions autrefois. Oui. C'était avant-hier, plutôt. Alors il serait peut-être résumé un petit peu la situation qui est celle de la centrale enrobée de Saint-Étienne-d'Hermiremont. Oui. C'est de ça qu'il s'agit, déjà. C'est Jean-Pierre Mais qui pas va... seulement. Jean-Pierre se chargera de ça. Mmh. Moi, je tiens juste quand même à préciser que si on en parle... on fait quand même, Philippe fait quand même régulièrement tout ce qu'il peut, il a quand même un site internet, un site Facebook, tu m'arrêtes Jean-Pierre si je me trompe. La parole a été donnée dernièrement quand même à un habitant qui la voulait parce qu'il était exaspéré de voir sans arrêt des saletés chez lui, des particules noires, de voir ce nuage tous les matins qui était au-dessus des écoles de Saint-Étienne. L'article, moi je lui avais laissé la parole, l'article est resté une journée et il y a eu menace. Donc l'article a été retiré. Il faut quand même le savoir, parce que moi, je trouve que c'est énorme. Il y a la liberté d'expression, il y a la liberté de la presse. Liberté que la Ligue des droits de l'homme, bien sûr, que nous, on défend. Et tout ça a été bafoué. Alors, c'est quand même... dire qu'on n'en parle pas, si on en parle. Après, c'est compliqué aussi parce que tu vois bien, là, un seul article et on se fait... pourtant, il n'y avait rien. Il n'y avait rien sur cet article. C'était un coup de gueule d'un citoyen qui a tout à fait le droit de s'exprimer. Il y a un lobby local qui fait pression, on pourrait dire. En gros, c'est ça. C'est ça. Qui fait pression pour taire certaines expressions. Voilà. Donc maintenant, j'ai la parole à Jean-Pierre, parce que... Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Faire un petit peu le point par rapport, par rapport à cette centrale d'enrobée, puisque vous dites son nom, qui se situe très, très près de... Alors, un petit résumé rapidement. Cette centrale, elle s'est installée en 1992, si ma mémoire est bonne. Si vous voulez, à l'origine, elle était... Ça va faire 30 ans, alors. Ah oui. 30 ans que les gens se battent, d'ailleurs. Il y a toujours eu une association. Donc, elle était mobile. OK. On a les textes. Et de mobile, elle est devenue fixe. Déjà, première anomalie, mais bon. Deuxième chose, donc, l'association s'est créée rapidement, suite à ça, en 94, je crois. C'est vrai que... Vous allez dire, mais c'est bizarre, 28 ans, votre combat, ben oui, 27 ans. Je voudrais avoir une précision quand même, si du moins vos souvenirs nous ramènent, parce que là, s'agissant d'une installation comme ça, qui utilise des hydrocarbures, il faut quand même une autorisation spécifique, non? Oui, mais il y a un arrêté préfectoral qui est sorti à l'époque. Ah oui, d'accord. Ah ben bien sûr, hein, c'est pas installé comme ça. Bon, enfin, je ne veux pas épiloguer là-dessus. Bon, le problème est qu'en 2018... Il n'y a pas d'enquête d'utilité publique dans ces cas-là ? J'y viens. J'y viens. C'est bien, vous anticipez, c'est bien, mais c'est ça. Si vous voulez, voilà. Bon, là-dessus, sur l'ancienne, on se battait, mais franchement, de manière... c'était très compliqué. Bon, 2018, un virage à 180 degrés... On a construit une nouvelle centrale, vous la voyez, elle est, hein, on la voit clairement. Donc elle a obtenu un permis de construire, et c'est justement là où on se pose des questions au niveau administratif, c'est qu'effectivement, ils se sont, ils ont pris comme référence cet arrêté de 1994 pour continuer à exploiter, prétextant qu'ils étaient sur le même site. Donc pour eux, ils se sont passés de... ce que vous dites, d'enquête publique, d'études d'impact, etc. Et c'est là-dessus où on prétend, nous, que s'agissant carrément d'une nouvelle installation, puisque l'ancienne a été détruite, entre parenthèses, pour vous dire qu'on agit sans arrêt, avec Philippe Germain, donc le président de l'association, et moi, on a fait un constat d'huissier pour constater que cette ancienne centrale a été démolie sans permis, ce qui est quand même bizarre. Oui, donc on a ce constat. Donc, si vous voulez, suite à ça, on s'est aperçu que la nouvelle centrale, non seulement, elle est, ça c'est sûr, elle est plus performante pour l'industriel, mais elle est surtout plus performante au niveau odeur, notamment. On perçoit des odeurs absolument, moi je dis insupportables, Christiane. Oui. Insupportables. Pour vous citer un exemple, les odeurs pénètrent à l'intérieur des maisons. Mm-hmm. Ce qui fait que lorsqu'elles... fonctionne, si le vent est bien orienté vers chez vous, ben vous fermez vos fenêtres, pas plus tard que la semaine dernière, c'est ce que nous on a fait. Donc, on a bien sûr, au niveau pollution, on a des scientifiques qui sont penchés sur le problème, il y a belle lurette, et qui nous ont dit oui, cette centrale vous pollue, et notamment par le biais de ces fameux HAP, qui sont des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas scientifique, je ne vais pas vous faire une leçon là-dessus, j'en suis pas capable. Tout ce que je sais, c'est que ça renferme des substances très dangereuses. On a décidé... qui sont réputées cancérogènes. Oui, il faut être clair. C'est reconnu, d'ailleurs. Il faut savoir aussi que c'est l'une des rares centrales qui a été... Alors, on n'est pas des bouffeurs, excusez-moi, entre parenthèses, de centrales, pas du tout. Mais c'est l'une des seules centrales en France qui se trouve quand même en agglomération. Oui. Elle est quand même en agglomération. Oui. Si elle était dans un lieu perdu, si elle était, les impacts seraient différents. Mais là, tout ce qui sort est directement dans les villages, quoi. Hein. Remiremont, suivant le trajet du vent, évidemment. Le trajet du vent. Aujourd'hui, Remiremont, il y a plein de Romarimontains qui se plaignent des odeurs, alors qu'ils ne s'en plaignaient pas avant. Mais le fait qu'il est rallongé fait qu'avec les vents, ça part beaucoup plus loin. Ça part beaucoup plus loin, c'est ça. La cheminée est beaucoup plus haute, hein, et on perçoit des odeurs jusqu'à Saint-Amé. Alors, non pas que c'était pas nocif avant, hein, mais aujourd'hui, avec la portée de la cheminée, ça part beaucoup plus loin. Alors, vous imaginez bien que... cette structure, c'est une centrale enrobée, c'est-à-dire pour le goudron, le bitume. Pour le bitume, exactement. Le bitume étant un mélange de fond de cuve, de fond de cuve de pétrole, mélangé à des résidus d'ailleurs de bitume quand ils défoncent les routes, ils recyclent, oui, et du pneu carrément. Et on fait une mélasse, enfin c'est une mélasse avec du gravat, hein, et on fait ça, il faut le savoir, on monte à 180 degrés. Et ce qui s'échappe de la cheminée, ça je vous le promets, on est allé en préfecture avec l'industriel, avec le secrétaire de la préfecture, avec l'ARS, l'Adréal et compagnie, et on entend dire que c'est de la vapeur d'eau. Ah, ça vous fait sourire, tant mieux. C'est de la vapeur d'eau. C'est-à-dire que on est dans le déni total. Des organismes comme l'Adréal, donc qui est quand même l'organisme qui est censé contrôler notamment ses installations, reste muette. La préfecture. Il n'y a jamais eu de prélèvement de, si. De poussière, de fumée. Si. Et ces prélèvements étaient rendus publics ou pas? Oui et non. Nous, on a fait par le biais d'un labo qui s'appelait Molitor, c'est facile à retenir, où il a été, prouvé par A plus B que c'est-à-dire que le labo a fait une étude lorsqu'elle fonctionnait, lorsqu'elle ne fonctionnait pas. Et tous les pics, donc, de constatés sur les HAP, Bazaine et compagnie, il n'y avait pas photo, quoi. Mais... C'est-à-dire que ça mettait en évidence des rejets. Oui, bien sûr. Mais on nous a mis, bien sûr, on nous a dit, mais ce laboratoire n'est pas agréé. Ah. Eh oui. Eh oui. Voilà la vraie réalité. On est dans le déni total. Donc, bon, pour continuer quand même, parce que je ne veux pas accaparer... Non, mais c'est intéressant de savoir, savoir les origines, où on en est. Donc, il y a quand même eu une deuxième... un deuxième laboratoire qui est entré en jeu et qui a refait les mêmes prélèvements que le premier. Oui. Et alors là, il nous manquait, pour qu'il soit dit que c'était cancérigène, il nous manquait, alors je ne sais plus si c'est un quart de femme et un demi-homme ou vice-versa. C'est quand même assez... C'est-à-dire qu'on était un peu en dessous des seuils admissibles. Un petit peu en dessous des feuilles. Et je peux vous dire qu'à l'époque... Et quand les prélèvements sont... Est-ce que la centrale marchait véritablement? On ne sait pas. À fond. Toujours est-il, c'est qu'on est tous sortis du bureau. Je me rappelle encore, il y avait encore... c'était encore à l'époque, il y avait M. Pierson, c'est pour vous dire, le maire, l'ancien maire de Don Martin, ah oui, qui était présent. On avait Jean-François Fleck, qui était là. Oui. On avait d'autres présidents d'associations. Jean-François Fleck qui est devenu président de Vosges Nature Environnement. C'est ça. Voilà, donc, si vous voulez, on était, je ne sais Elle pas... Elle est l'un des créateurs de cette radio locale, d'ailleurs. D'accord. On était une trentaine, dans ce bureau. Et quand on a vu ça, qu'ils nous ont dit, non, on ne peut rien prouver parce qu'il manque un quart de femmes, un demi-homme, ou je sais plus si c'était la femme ou l'homme, tout le monde s'est levé, on a dit, c'est bon, on a compris, quoi. On est tous sortis. Monsieur Poisson, il a tapé sur la table, je me rappelle encore. Il était très en colère en disant, mais vous vous fichez de nous, Surtout qu'il avait quand même, j'allais dire, un contentieux avec l'entreprise en question par rapport à une carrière à Don Martin. C'est ça. Voilà, c'est ça, en plus. À cette époque-là, oui. Je l'avais invité à ce moment-là pour qu'il puisse s'exprimer justement sur ses problèmes de carrière. Mais voilà. Il les a carrément virés, je crois, Oui. Bon. Oui. Mais à l'époque, il était encore qu'adjoint et donc il n'avait pas de pouvoir décisionnel à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il faut savoir qu'il y a eu plein de choses de faites, mais qui n'ont pas forcément été mises publiques parce que ça se faisait en préfecture, ça se faisait sur des réunions. Des réunions, il y en a eu. À la préfecture, moi j'y suis allé deux fois. Avec, je vous dis, l'ADREAL présente, l'industriel, l'ARS, l'Agence régionale de santé. Santé. Oui. Le maire de Saint-Étienne, monsieur le maire. Quoi, tout ça piloté par le secrétaire. Et il n'en est jamais rien sorti, quoi. C'est clair, il n'a jamais rien. L'ARS, botte en touche. Comme d'habitude. Botte en touche carrément, puisque on a quand même cartographié à un moment donné les pathologies, dans un rayon proche de la centrale, évidemment. Mais l'ARS nous a rétorqué, nous, l'étude sur tout le bassin, je dis oui, bon, vous noyez le poisson, quoi. Tout le bassin, c'est-à-dire Sur un bassin de 20 000 personnes, forcément, on arrive à des chiffres complètement tronqués par rapport à un rayon de 3 km, quoi. Il y a vraiment des problèmes. C'est-à-dire que l'étude, si je comprends bien, pour faire comprendre aussi à nos auditeurs, l'étude portait sur toute la grande agglomération d'Environnement. Oui, c'est ça. 20 000 habitants, ça représente jusque Dormartin, je résume. Oui. Voilà, c'est ça. Alors que, en fait, ce qui apparaissait très nettement, c'est que sur Saint-Étienne, il y avait beaucoup, beaucoup de cas de cancer. Mmh. Et puis surtout dans les mêmes quartiers. Il y avait des cancers qui affectaient quel organe? Alors, bah, il y avait un petit peu, il y avait du cancer du sein. Maladie de Hodgkin. Maladie de Hodgkin. Hodgkin, c'est... C'est le cancer du sang. Ah oui. Et ouais, bah, mais c'est les hydrocarbures en général. Et oui, chez des jeunes, hein, ce qui avait franchement étonné, c'est que c'était des jeunes qui avaient ce cancer. Voilà, donc c'est vrai qu'il apparaissait que sur tout le secteur, je n'ai pas donné les quartiers pour ne pas effrayer les gens, mais ça correspondait au vent. Ça bien correspondait sûr. Au vent. Alors, au vent dominant. Au vent dominant, voilà, dominant, en oui. fonction. D'accord. Donc, c'est vrai que on se disait, mais il y a vraiment quelque chose, voilà, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Alors, où est-ce qu'on en est, là, aujourd'hui? Je ne sais pas si on a fait quand même le point sur tout, parce que là ces études, enfin, c'est... qui ont été faites à ce moment-là, qui mettaient en exergue donc des cancers sur un secteur très délimité. Surtout sur une périphérie très délimitée, oui. Mais comment elle a été faite, cette étude, à cette époque-là? Alors, comment elle a été faite, je crois, avec l'aide des médecins, des pharmaciens, quelque chose comme ça? Non, non. Non, même pas. Je me souviens à l'époque avoir fait une émission avec vous, enfin, oui. avec Christiane en particulier. Hein, et donc, y avait... une dame qui était dentiste, qui était qui faisait partie de l'association. Oui. Et je crois qu'elle avait pas mal milité, oui, auprès de ses confrères. Oui, elle avait beaucoup. Auprès des organismes soignants pour avoir quand même des chiffres. Oui, c'est ça. Oui, il y avait tout à fait. Moi, à l'époque, je n'étais pas... Ces chiffres étaient vérifiés. Oui, le chiffre était vérifié, puisque c'était quand même... Oui, c'était quand même... Voilà. Les médecins, les pharmaciens, enfin, puis les personnes concernées, donc il y avait un peu de tout. Oui et non, hein. Les médecins, on les a sollicités, vous savez, ils se réfugient derrière le secret professionnel. Bien sûr. Il y en a un seul qui s'est manifesté. Ça peut rester un anonyme. Un seul, qui a dit carrément oui. Mais bon, non. Et parce que malheureusement, on s'aperçoit en France, en particulier... pour la France, qui a très peu d'études épidémiologiques, et que souvent, quand il y a des problèmes de cette façon-là, bah, il faut vraiment galérer pour réussir à faire une étude qui soit incontestable. Quoi. Ah oui. Hein, parce que, bien sûr, entre le secret médical, entre les personnes qui ne veulent pas s'exprimer, entre les pressions qu'il peut y avoir... ici et là, c'est pas toujours facile. C'est toutes ces difficultés qui font qu'on en est là au bout de près de 30 ans. Alors, si vous voulez, là, je vais continuer un peu. Oui, bien sûr. Présentement, bon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, depuis donc 2018, donc on a rebondi par rapport à cette nouvelle centrale, et on a fini par... on a entamé une procédure judiciaire. C'est-à-dire d'accord. C'est-à-dire qu'on a un avocat là, qui est derrière nous et qui harcèle la préfecture, qui harcèle tous les organismes de l'État et qui a saisi le tribunal administratif. Donc, comme les procédures sont longues, on attend tout simplement que ce tribunal se manifeste et l'avocat est prêt à tous les outils pour aller plaider la cause de la centrale. On va peut-être rentrer dans le détail, mais enfin, on va s'accorder une pause musicale. Ouais. Camarade, tu étais mon seul ami, mon camarade. Tous les deux, nous avons fait les barricades, les maquis, les commandos, les embuscades. Mon camarade, camarade, un dimanche en défilant à la parade, je t'ai vu soudain là-bas sur une estrade. Tu étais visiblement monté en grade, mon camarade, camarade. te donner la collade. Ça n'était que mains serrées et embrassades. Ça donnait une impression de mascarade. Mon camarade, camarade. Moi ici j'ai pris mon parti des brimades. Nous dormons tout habillés, les nuits sont froides. L'important c'est de ne pas tomber malade. Mon camarade, camarade. Je ne vois qu'un petit coin de ciel maussade et des murs qui défieraient toute escalade. Ce n'est pas une prison d'où l'on s'évade. Mon camarade, camarade. Le matin c'est la relève des brigades. À midi c'est l'heure de la promenade. Et la nuit on fait des rêves d'escapade. Mon camarade, camarade. J'ai appris qu'ils t'ont donné une ambassade quelque part à Caracas ou à Belgrade. Plus tu montes, plus tu vois, je rétrograde. Mon camarade, camarade. C'est fini, j'arrête ici mes jérémiades. À bientôt, qui sait, dans une ou deux décades. Et je signe comme au temps de nos gambades. Ton camarade. Tu étais mon seul ami, mon camarade. Tous les deux nous avons fait les barricades, les maquis, les commandos, les embuscades. Mon camarade. Oui, on reprend donc, et puis ce dossier environnement, enfin environnement, disons qu'il avait encore en collaboration avec la Ligue des droits de l'homme de Remiremont, hein, et on parle bien sûr de cette centrale, en particulier de cette centrale d'enrobée de Saint-Étienne-Herbermont. Alors, Christiane, tu voulais rappeler certains principes quand même, qui sont aussi des principes constitutionnels, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Il faut savoir quand même que le droit à la santé, donc on a tous droit à la santé, quel que soit notre âge et qui qu'on soit, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un droit. Le droit à la santé a été mentionné pour la première fois dans la convention de l'OMS en 1946. Et il stipulait bénéficier... L'Organisation mondiale de la santé. Voilà. Alors... Il stipule que bénéficier du plus haut standard possible de santé constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain. Après, on retrouve dans le cahier du Conseil constitutionnel en janvier 2004, où là, on retrouve comme précision que la biosphère seule lieu dans l'univers où la vie est possible, selon les connaissances actuelles, court un danger croissant du fait d'activités humaines. Ces éléments constitutifs sont pour une large part détruits, altérés, menacés. En particulier, ces équilibres fondamentaux sont au risque d'être bouleversés. Depuis la fin des années 1960, l'humanité est devenue consciente de ses dangers. Il était normal que cette prise de conscience s'opérât au plan international et mondial. Voilà quand même ce qu'on trouve. Alors on se rend compte quand même que c'est pas vraiment... ça a eu du mal à se mettre en route. Ça a du mal à être suivi. On se demande encore comment on va pouvoir convaincre tous les pays, comment, quand on voit que même en France, on a bien du mal, on a pris le train un petit peu en marche sur tout ce qui est environnement, malheureusement. On a pris beaucoup de retard aussi. Oui, c'est ça, on a pris le... Entre les déclarations d'intention de la COP... Entre vouloir et puis arriver à faire quelque chose... C'est pour ça que je dis on a pris le train en marche. Et puis véritablement les mesures qui ont été prises... Qui ont été prises, voilà. Il y a un fossé, quoi, il y a un gouffre, voilà. Quand même. Et puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui veulent, qui seront peut-être... mais on en voit, pour le moment, on ne voit pas grand-chose, on ne voit pas beaucoup d'aboutissement, quoi. On peut quand même se poser beaucoup de questions, parce que on a quand même tous des enfants, voire des petits-enfants, puis on aimerait quand même bien qu'ils puissent vivre tranquilles, quoi, hein, et qu'ils ne viennent pas au monde avec déjà des gènes un peu malades, etc., etc. Donc, ça devient, franchement, ça devient, ça va devenir un débat, un combat. Il faudra que ça devienne un combat collectif pour réussir à quelque chose. Ouais. Il faut que tout le monde prenne conscience qu'aujourd'hui, on arrive quand même sur une partie environnementale qu'il est fondamental de défendre, quoi. Parce que franchement, on ne sait pas où on va aller. Bien sûr. Et puis bien entendu. Ce qu'il faut regarder à travers ces différents problèmes environnementaux, c'est qu'on a tendance aussi à les saucissonner. C'est-à-dire que j'écoutais une radio nationale sur mon autoradio en arrivant ici. Hein, je m'en excuse auprès de Marion qui elle faisait son émission. Mais il y avait une candidate à la présidence de la République, hein, qui s'est déclarée officiellement, et puis qui disait, de toute façon, le meilleur moyen, il faut décarboner, donc il faut pousser le nucléaire, quoi, en gros. Je l'ai entendu. Voilà, alors, c'est-à-dire qu'on passe de Caribe en Silla, quoi. C'est-à-dire que, parce qu'il faut quand même pas oublier que le nucléaire est producteur de déchets. Hein, de déchets qui sont particulièrement dangereux et durables, c'est surtout ça, durables. Hein. Ah oui, là, on est vraiment dans le durable. Hein. Ça peut être des milliers d'années. Et puis que malgré tout, il y a encore des voix qui s'élèvent aujourd'hui, hein, particulièrement à droite, pour dire il faut développer le PR, qui est un échec français, on pourrait dire. Hein. Même le projet peu ambitieux de 50%, de limiter à 50% l'énergie nucléaire pour 2050, je crois, ou 2030, c'était 2050, aujourd'hui, on dit non, c'est pas possible. Alors que, qu'il n'y a rien qui est fait véritablement pour développer les énergies renouvelables, faire véritablement une bonne isolation des maisons, etc., préconiser quand même le plus possible de transport ferroviaire. Il y a des tas de mesures qui peuvent être prises pour justement limiter la dépense d'énergie. Hein, voilà. Ça, c'était en passant. Hein. Pour mon futur magazine environnement, c'est intéressant, intéressant d'en parler, parce qu'on a toujours tendance à saucissonner les problèmes. Aujourd'hui, il y a une hausse du prix de l'énergie. On dit, il faut absolument développer le nucléaire. Ouais. Puis en même temps, c'est l'énergie décarbonée. Voir quand même, parce que de toute façon, on réchauffe quand même l'atmosphère, etc. On va polluer, par exemple, au Niger pour extraire l'uranium, etc., etc. Mais ça, on ne regarde pas. Non. On regarde, c'est pareil, on va dire, on va développer l'automobile électrique. C'est ce que j'allais juste dire. Alors que ça, c'est un impact sur l'environnement. Pas direct, bien sûr, puisqu'il n'y a pas d'émissions, mais pour fabriquer les batteries. Pour fabriquer les batteries, pour etc., etc. Et c'est pour ça qu'on soucie tous les problèmes, on ne regarde pas les problèmes environnementaux dans leur globalité. Et puis là, on peut se dire aussi, est-ce qu'on a besoin de tout bitumer dans ce pays? Mais oui. Hein, parce qu'on sait très bien la nocivité aussi du fait de bitumer trop, hein, avec des inondations catastrophiques. Ah oui, ça accentue le catastrophisme des inondations. On sait aussi que certainement que les problèmes environnementaux du réchauffement climatique provoquent des inondations plus importantes, etc. Mais on l'accentue encore par rapport au fait qu'on bétonne partout, quoi. Oui, on fait tout et on bétonne partout. Et quand je dis bétonner, C'est vite dit, c'est surtout du bitume. C'est du bitume, oui. Justement. Oui, oui, c'est le bitume, hein, le bitume. Enfin, le béton aussi contribue, évidemment. Bien sûr. Bah oui. Bien sûr. Mais enfin, les plus grosses surfaces, c'est surtout du bitume, quoi. Mmh. C'est des parkings de supermarché, c'était des aires de stationnement, etc. Oui. Voilà, donc on peut très bien, à l'exemple de Tiefos, par exemple, mettre des composés de ciment avec de l'herbe autour. Quoi. Ah oui. Voilà, ben, c'était qu'une parenthèse. Je permets ça parce que je crois qu'il faut quand même bien situer tous les problèmes en même temps. Et le problème de Saint-Étienne-lès-Mermoz, c'est bien un des problèmes qu'il faut aborder. Ah ben, hein, parce que c'est des rejets dans l'atmosphère. Et puis depuis des années. Depuis des années, sans véritablement on veut prendre en compte ce problème. Il y a à peu près 500 centrales répertoriées. Si vous allez dans la région de l'Ouest, il y a un pays qui s'appelle Épuisé. C'est facile à retenir, comme Épuisé. C'est près du Mans. En Vendée Non. Ménelbois. C'est entre Le Mans et Orléans. Ah oui, d'accord. C'est les Pays de la Loire. Il y a une grande banderole, non à la centrale d'Enrobé. Hein. Je ne sais pas où ils en sont. Oui. Mais à chaque fois que j'y passe, parce que je vais souvent vers l'Ouest, on n'en veut pas, quoi, c'est clair. Parce qu'on sait très bien que ça va être une tâche dans le paysage, surtout à Saint-Étienne. Parce que ça aussi, je tiens à le dire quand même, parce que on est à la porte des Hauts-de-Vosges, on se dit région touristique, ce qui est vrai, on attire de plus en plus de touristes. Je suis quand même étonné qu'à la porte de la plus belle ville des Vosges, puisqu'on le dit, il y a un monument là, hein, qui s'appelle Centrale d'Enrobé, qui fait vraiment tache dans le paysage, déjà. Hein. Pour moi, c'est une aberration de voir ça. Alors, sans parler des problèmes, effectivement, environnementaux. Bien sûr. Oui, mais au fait, pourquoi ce choix de Saint-Étienne-lès-Mermoz au bord de la... Je pense que c'est stratégique, tout simplement. À côté d'un rond-point. Facile. Oui, il y a déjà pas mal de stratégique, tout simplement. Facile, hein. Il y a quand même la carrière à Saint-Amé. Ben oui. Ah oui, bien sûr. Il y a la carrière à Saint-Amé, il y avait le concassage à Vecoux, et puis il y avait la centrale tout de suite derrière à Saint-Étienne. Donc, en fait, sur de la grande route... Pas de perte de temps pour les camions, etc., à passer dans des petites routes. Mmh. C'était direct, hein, une belle route. Ah oui, c'est le choix. C'est le choix qu'avait fait. C'est ça, je pense. Oui, oh, oui. Moi, j'ai entendu des choses que je ne veux pas redire. Oui, c'est ça. C'est ça parce que c'est une économie d'essence, c'est une économie de temps. Les camions arrivent, chargent, repartent, ils sont directement sur tous les axes routiers. Oui. Par contre, c'est un endroit d'embouteillage, quoi. Oui, et c'est surtout, elle est juste en face de McDo, elle est dans une commune, c'est... Avec des commerces importants. Avec des commerces à côté, on est là avec un Saint-Mont super chouette quand même, avec toute une histoire derrière, avec il y a eu une demande de classement et tout. Et au final, quand on est au Saint-Mont, on voit quoi ? On voit la centrale qui crache. Moi, j'ai des dizaines, des vingtaines de photos. Que je prends là-haut et puis d'un coup je regarde, je me dis mince, il y a encore la centrale. Bah oui, parce qu'elle est en plein centre de l'agglomération. Enfin, voilà. Hein. Oui, alors on va parler maintenant de les procédures judiciaires que vous avez entamées. Est-ce que c'était pas un peu trop tardif, ces procédures judiciaires ? Mais le problème, vous savez combien ça coûte ? Ah bah oui, bien sûr, il faut réunir des fonds. Bon, bah voilà, hein, c'est tout. On y a pensé, vous savez, longuement. Il faut savoir quand même que l'association, là, hein, c'est moi, je suis trésorier, alors je sais de quoi je parle. on est, on va dire, potentiellement une cinquantaine d'adhérents. L'adhésion, c'est 10 euros, faites le calcul. Et c'est tout ce qu'on a comme ressources. Alors, il se trouve. Et malheureusement, bon, les associations n'ont pas forcément droit, les juridictionnels, pour développer ces sentiments. Ah oui, ça, d'ailleurs, les juridictionnels est de plus en plus faible, hein, au fur et à mesure que les années passent, enfin, par rapport au pouvoir d'achat, quoi, j'allais dire. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment, vraiment très pauvre pour avoir des juridictionnels. Ouais, non, mais hein, et là, au niveau des associations, ben, c'est un réel problème. C'est vrai que d'avoir un avocat, parce qu'un avocat, bah, il travaille. Puis son travail doit être rémunéré. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est quand même relativement cher, quoi. Oui, oui. Et puis, ce qui a déclenché après, c'était quand la nouvelle centrale, quand même. Ben, c'est ça qui a tout déclenché. Qui a tout déclenché. La nouvelle centrale, alors, 2007, c'est ça? Non, non, 2018. Non, 2018. 2018, d'accord. Oui, oui. Et alors, cette nouvelle centrale était plus aux normes que l'ancienne ou pas? Ah ben ça, on ne sait pas. Ah oui, d'accord, il n'y a pas de mesure. Non, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a planté une nouvelle unité enfin, de production, une nouvelle centrale, en démolissant, on a démoli l'ancienne, et c'est là-dessus où on discute, c'est que, à notre sens, c'est une nouvelle installation, carrément. Ben oui. Puisqu'on a détruit l'ancienne. Donc, pour nous, elle doit être soumise... Ah ben le permis, il n'y a pas de problème. Heureusement, ils ont eu un permis, quand même. Oui. Mais elle est normalement soumise aux autorisations. C'est-à-dire, il aurait fallu une étude d'impact, une enquête publique, etc. Ça, c'est absent. Totalement. Donc, on est parti sur les... En quelque sorte, sur les données générées par l'ancienne centrale. C'est ça, c'est ça. Pour dire, on l'autorise. C'est ça, tout à fait. Ils sont référés au décret de 1994. Voilà, c'est ça. Pas de consultation, rien. Sous prétexte qu'ils sont sur le même site. Mais ça, l'avocat dit, ça, il faut voir, c'est là-dessus que vous pouvez voir un angle d'attaque. Oui, c'est l'angle d'attaque. Et bien, on va voir, je dis, le tribunal administratif est saisi. On va voir ce que ça donne dans les mois qui viennent. Elle est installée en zone Natura 2000. Hein. Elle est installée en zone Natura 2000. C'est quand même très... Et à côté d'un capteur d'eau, hein, d'un réservoir d'eau, hein, quand même. Et à côté d'un axe de circulation important. Ouais. Et puis de magasins, etc., bien sûr. Ah, restaurants, oui, oui. Magasins et autres. Oui. Hein, c'est quand même, c'est quand même délicat. Ça. C'est quand même plus que délicat. Oui. Oui, oui, c'est pour ça. En fait, de ce qu'on sait, elle est la seule. Hein. Je crois que c'est l'une. Je sais pas si on a d'autres. Mais il me semble. Affirmé, Christian, je sais pas. Mais... Il me semble qu'avec Philippe, regardé, ouais. Et qu'on s'était dit, mais. Il y a certainement aussi des questions de périmètre par rapport aux habitations, par rapport au commerce. Ah ben là, exister, par rapport. Bah oui, mais... Ah, qui devrait exister. Oui. Qui devrait. Bien sûr. Enfin, on peut penser que dans la procédure juridique, l'avocat va examiner tout ça. Bien sûr. Et donc, bien sûr. Mais autre chose, il y a eu... donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, il y a une démarche qui va être faite. Enfin, elle n'est encore pas entamée vers le tribunal administratif. Non, elle est entamée. Elle est entamée aujourd'hui. On attend simplement... Qui devrait... Vous attendez les résultats. Bien sûr. Voilà. Donc, qui devrait porter sur le problème d'autorisation, en quelque sorte. Déjà, oui. Sur l'arrêté préfectoral qui a autorisé cette nouvelle installation. C'est un résumé. Cette nouvelle l'avocat vous expliquerait beaucoup plus en détail tout ça. Mais voilà. Oui, bien sûr. C'est ça le fil rouge, quoi. Le fil rouge, et puis en perspective aussi, le problème quand même... De l'installation de la zone d'installation de cette centrale, quoi, si près d'une agglomération, si près de commerce, etc. Je pense que ça va être certainement fait valoir auprès du tribunal administratif. Oui, tout est très clair, hein, sur le... D'ailleurs, il y est toujours, par un moment, tout ce qui avait été... Vous avez déjà une proposition de l'avocat concernant le mémoire. Ah oui, qui doit faire... le mémoire est rédigé. Ah oui, tout est fait. C'est pour ça, c'est ce que je vous dis. Moi, je ne peux pas vous raconter tout le truc parce que c'est énorme. Oui, hein. Alors, c'est une réglementation, il se réfère à des articles, etc. Moi, c'est pareil, je suis ni scientifique, ni avocat. Spécialiste, donc, c'est Maître Farouk, c'est ça. C'est Maître Farouk, oui. Oui, Farouk. Farouk. Farouk, donc, qui est un spécialiste et qui est aussi, tu le soulignais, l'avocat des personnes qui sont incriminées dans Bure. À Bure, l'opposition à Bure. Oui, oui. hein, l'enfouissement qui est comme chacun sait ou ne sait pas, donc l'enfouissement de déchets nucléaires dangereux pour l'environnement, pour les eaux, en particulier, à long terme, à très long terme d'ailleurs. Oui, c'était quelque chose aussi. Hein. Oui, bah là récemment, on voit bien aussi le poids des lobbies. Des lobbies sur les pouvoirs publics et puis directement sur les tribunaux pour recueillir un maximum de témoignages contre les opposants, n'est-ce pas? 1 million d'euros quand même, hein, ce procès. Hein. C'est pas rien, hein, quand même. 1 million d'euros. Hein. Moi, j'assistais à... En tant que Ligue des droits de l'homme, comme ça s'est passé dans l'Est, on était oui, c'est un Meuse à la Ligue. Voilà, c'est ça. Donc il y avait, hein, donc il y avait des représentants de sections Moselle, Vosges, Meurthe-et-Moselle, Meuse, qui étaient présents. De la Ligue des droits de l'homme. De la Ligue des droits de l'homme, oui, on était présents, on assistait pour voir que les droits soient respectés et tout. Et quand l'un des avocats a demandé quel était le budget de ce procès, quand il a annoncé entre 900 000 et 1 million d'euros, je peux vous dire que ça a quand même fait un petit remous dans la salle. Hein. Et il a quand même annoncé qu'il avait un budget illimité. Avec une grande entreprise, qui est déjà plus ou moins en difficulté. Puis d'ailleurs, on n'est pas sûr que ce projet aboutisse encore aujourd'hui. Oui, bah oui. Bon, ouais. on va fermer cette parenthèse, puis on va vous rappeler qu'un jour, on consacre une émission à ce problème de Bure, d'ailleurs. Hein, parce que ça continue, puisqu'il y a, oui, il y a oui. appel les décisions qui ont été prises par le tribunal. Et donc, c'est l'actualité, c'est toujours l'actualité. Et puis quand on sait que certains veulent redévelopper l'industrie nucléaire, on peut se dire que c'est d'autant plus d'actualité. Voilà. Que dire encore? Alors, revenons quand même à Saint-Étienne dernièrement. Oui. Hein, t'es tout près de nous, de plus. Aujourd'hui, alors, les perspectives de ce combat déjà de 30 ans. Alors déjà, il faudrait aussi que, comme disait Jean-Pierre, 50 adhérents sur une agglomération qui compte Miremont, etc. Donc c'est vrai que il faudrait que les gens se sentent un petit peu plus concernés, hein, et puis qu'ils adhèrent. Plus il y aura de monde et plus il y aura de poids. Bien sûr. Hein, donc c'est vrai qu'il faudrait que les gens prennent conscience que s'il y a une poignée de personnes qui se battent, c'est différent par rapport à... Il faut les soutenir. Il y a quand même des pétitions qui ont circulé à l'époque. Oui. Il y en a une en ce moment, Jean-Pierre. Il y en a une en ce moment. Oui. Où on peut la trouver. Alors on peut la trouver physiquement. Moi, je l'ai distribuée, par exemple, à la boulangerie. Oui, c'est ce que je disais à Christiane tout à l'heure. Elle était remplie en quelques heures, une feuille. Une feuille, comme quoi. Et puis sur en ligne, elle est en ligne. Oui. Où elle est simple, elle est très bien faite. Très, très bien faite. Où on peut. Donc c'est quoi la pétition? Est-ce que. Enfin, en ligne, c'est. Percevez-vous les odeurs? À quel moment? Le matin, l'après-midi? Comment dire, quel jour on peut répéter sans arrêt aujourd'hui je l'ai perçu, demain je l'ai perçu, après-demain je l'ai perçu. On peut en faire tant qu'on en veut. Parce que là, les temps derniers, c'était tous les jours. Tous les jours. C'est comme ça. Et puis donc, alors cette pétition. Mais vous n'avez pas repris la possibilité. Enfin, c'est toujours pareil, il y a les questions de prix de revient, de constat d'huissier par rapport à ça. Ah! Très, très, très bonne idée. Un constat d'huissier, mais il va... Moi, je le dis souvent, mais je m'attends très bien à quelle réponse. C'est qu'une perception tout à fait... c'est assez subjectif. On va vous dire, oui, ça sent le bitume, parce mais moi, là, je peux pas attester que c'est la centrale parce qui... Parce que là, il y a... Vous faites pas des appels à témoignages, justement? Ah ben, je crois qu'il y en a eu dans la presse, puisque même, ils sont censurés, alors... Bah, de toute façon, on appelle à témoignage à la liberté d'expression. Si des citoyens ressentent quelque chose, il y a une menace, il peut dire j'ai ressenti tel jour des odeurs ou n'importe quoi, sans pour autant s'attarder sur les tenants, les aboutissants par rapport à ça. Il y a quand même une responsabilité de chacun. Oui. Je veux dire par là qu'il y a des lieux où ils peuvent se manifester. Je ne les cite pas, mais il y en a quand même. Réunion publique ? Non. Difficile à mettre en œuvre. Je sais pas, moi. Il y a une mairie. On peut quand même imaginer. Bien sûr, il y a une mairie qui devrait aussi agir par rapport aux citoyens. Mais en dehors de ça, bien sûr, il faut quand même que les citoyens se mobilisent, non ? Oui, il faut qu'ils. C'est ce que je vous dis. De quelle manière ? Bon, il y a cette pétition. Ben, tout simplement, amener déjà, des témoignages écrits, je crois peut-être. Que amener des témoignages écrits. Répondre déjà aux témoignages qui sont en ligne. Oui. Hein, chercher à signer, pour ceux qui n'ont pas Internet, chercher à signer la pétition qui circule. Aller sur le site de Internet de l'Association pour l'environnement. Appelez la DREAL. De Saint-Étienne. Appelez la DREAL. Plus il y aura de gens qui témoigneront et qui appelleront, plus ça vaudra. Quoi. Alors pratiquement. Parce que sur Internet. Pratiquement ce site, pratiquement ces pétitions, parce que là je dois dire, enfin, je ne suis pas citoyen de Saint-Étienne d'Hermiremont ni de Remiremont. Hein, je suis qui sont les plus concernés déjà, encore que. Saint-Nabord peut être concerné, Dom Martin peut être concerné. Ah oui, Saint-Amé est concerné. Je ne suis pas citoyen de ces agglomérations, mais moi, je n'ai pas entendu parler de ça, quoi, si on veut. Mais oui. Alors, comment vous pensez un peu vulgariser un peu plus ce problème à votre lutte contre ces rejets de centrales d'enrobés ? Ah ben, je crois que, je sais pas, on est... Aujourd'hui, c'est une étape. Une procédure judiciaire, c'est quand même quelque chose. Par rapport aux citoyens, par rapport au public, c'est bien ce que vous avez fait jusqu'à présent ? Est-ce suffisant ? Est-ce que véritablement, vous êtes à capacité de vulgariser ça et puis de mobiliser les citoyens ? Il y a 3 ans, 4 ans, vous aviez organisé une marche avec Philippe ? Il y a eu une marche il n'y a pas si longtemps. Vous-même, tout à l'heure, vous avez constaté cette manifestation au rond-point, vous vous souvenez ? Oui. Bon, en tout et pour tout, il y avait, 80 personnes. Ah, pour vous situer quand même le problème, lorsqu'on a fait l'avant-dernière pétition, moi-même, avec 2 camarades de l'association, ça je vous l'affirme, on a distribué dans toutes les boîtes aux lettres de Saint-Étienne-Hermiremont, on s'était organisé géographiquement pour faire les rues, ainsi qu'à Dommartin. On a lancé une information, on a exposé le problème de manière succincte, avant qu'on ne se manifeste après. Donc moi, je pense quand même que les gens sont censés connaître le problème. Extérieurement à l'agglomération de Saint-Étienne-Hermiremont, je ne sais pas. Hein. Ah ben pas extérieurement, oui. Ah, bien extérieurement, sûr, mais... parce que je pense quand même que la prise de conscience, elle déborde aussi, parce que finalement, cette centrale dans le paysage, c'est vrai que ça peut préoccuper au-delà de Saint-Étienne-Hermiremont, puis Hermiremont quand même. Après, moi, ce que je suis aussi, c'est que Philippe... Et à portée de fumée, j'allais dire. Philippe a quand même envoyé, il a quand même envoyé des courriers au maire. Hein. Bien sûr. Au maire des communes avoisinantes. Vous avez rendu visite dans les mairies aux maires hein, pour leur expliquer ce qui se passait, etc. Le député a été, vous avez rendu visite au député, vous avez rendu une visite. Une fois, deux fois, trois fois. Voilà. Si tu veux, les politiques ont été mis au courant. Les politiques, avant les élections, ont été invités à expliquer ce qu'ils feraient par rapport à ce problème. Non, il y a quand même eu des choses qui ont été faites qui n'ont pas peut-être été médiatisées tout le temps. Mais c'est vrai qu'il y a eu des choses de faites. Et puis, peut-être aussi que...

Et moi, j'invite toutes les personnes qui ont vraiment des... Sur les problèmes des migrants. Sur les problèmes des migrants, j'invite les personnes qui ont des a priori, parce qu'il y a quand même beaucoup d'a priori sur les migrants. Ce qu'on entend, c'est qu'ils arrivent en France, ils ont tout, ils ont l'argent, ils ont tout, et nous, on n'a rien, etc. Alors, ce serait bien que les gens viennent et qu'ils se rendent compte du parcours. Et qu'une fois arrivés en France, ils n'ont pas fini parce que leur galère, elle recommence. Absolue. C'est l'horreur absolue. Et on ne les traite pas comme des êtres humains. Non, ils sont... On les traite comme des objets qu'on met de côté. Ouais, et puis encore, il y a les objets qu'on met de côté et auxquels on fait attention parce qu'on y tient. Et puis il y a les objets qu'on met de côté et qu'on balance parce qu'on n'y tient pas. Donc, moi, je vous invite quand même à venir comprendre un petit peu parce que... rouspéter et puis critiquer, c'est bien, mais comprendre, c'est mieux. Et ça ouvre quand même des horizons. Et puis, alors, la deuxième manifestation, cette fois qui est vraiment organisée par la Ligue des droits de l'homme, donc section de Remiremont, c'est une conférence sur le thème « Liberté et citoyenneté ». Alors, elle porte sur la répression des mouvements sociaux. Et elle inclut aussi la surveillance qui est partout y a, aujourd'hui. Il n'y a pas qu'en Chine. Donc, même si c'est le système le plus élaboré où véritablement on surveille l'individu nuit et jour, j'allais dire, il n'y a plus de liberté individuelle de mouvement. Alors, cette conférence, elle se tiendra le 5 novembre à 20h. Au Centre culturel Gilbert Zogue à Remiremont. Donc l'entrée est gratuite et il y aura une libre participation aux frais, ce qu'on appelle aussi le chapeau. Voilà. Alors Vanessa Codaccioni, c'est quelqu'un qui est maître de conférence, c'est une jeune femme qui est maître de conférence en sciences politiques à Paris 8, qui a écrit beaucoup de livres. Qui a été citée en témoin au procès... Des articles et des livres. Elle passe aussi dans les radios, France Culture et tout, dans des émissions comme ça. Elle est vraiment très, très intéressante et vous allez apprendre vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment quelqu'un à connaître, à découvrir. Parce que les libertés publiques, il faut bien s'en rendre compte, se rétrécissent de jour en jour. Voilà. Et alors elle travaille vraiment là-dessus. Par petites touches, mais c'est la réalité. Voilà, de moins en moins, les libertés, on en a de moins en moins. C'est pour ça qu'il faut quand même continuer à se montrer, à se battre. Et franchement, quand vous avez quelqu'un comme ça en face de vous qui est capable de répondre à toutes vos questions... Enfin, moi, je l'aime beaucoup, voilà, donc j'en parlerai. C'est pareil. J'en parlerai pendant des heures. On l'a cité beaucoup, avec en particulier Maître Rissager, qui était avec lequel je faisais un magazine juridique. Et c'est le premier magazine qu'on a fait, c'était justement par rapport à son livre. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Donc, merci. Merci à toi. Merci à la Ligue des droits de l'homme. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous aux éditeurs mardi prochain pour une nouvelle émission de La Parole est à vous qui sera consacrée à un magazine environnement. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.